Hallelujah. Alleluia. In the book of Ezekiel, chapter 44, verses 1 to 3. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, versets 1 à 3. When finally the eastern gate remained shut. Quand finalement la porte orientale est restée fermée. And there is a command coming from the Lord God our Father in heaven. Et il y a un commentaire venant du Seigneur Dieu, notre Père dans les cieux, that this gate must be shut. Que cette porte doit être fermée. This gate must remain shut. Que cette porte doit rester fermée. It's amazing to me that even during the 1967 war, ça m'étonne que durant la guerre de 1967, it is said that some of the Israeli commandos, il a été dit que quelques-uns de ces commandos israéliens wanted to attack, désiraient attaquer the invasion, the invading forces that attacked Jerusalem and captured. Désiraient attaquer l'invasion, les forces envahissantes qui attaquaient Jérusalem et capturaient. The best route to attack the Jordanian army, la meilleure route pour attaquer l'armée jordanienne, was, I am told, through the eastern gate. Je l'ai dit, à travers la porte orientale. If they storm the eastern gate, s'ils prennent d'assaut la porte orientale, it would have been easier to surprise that army. Ça va être plus facile de surprendre cette armée and to take back Jerusalem. Et reprendre Jérusalem. In 1967, the war that finally captured Jerusalem. La guerre a finalement capturé Jérusalem. You see that, the eastern part of Jerusalem. Vous voyez ça, la porte orientale de Jérusalem. Now look at this somebody. Et regardez à ceci, vous. It is said that one of the Israeli commandos, the commanders, il a été dit que un des commandos israéliens, le commandant, he went out and he said, no, we cannot storm through the eastern gate, however difficult the other routes may be. Il sortit et il a dit, non, nous ne pouvons pas prendre d'assaut la porte orientale, quelle que soit la difficulté de l'autre route. Because this gate is to remain closed. Parce que cette porte doit rester fermée. Only the Messiah can open this gate. Seul le Messie peut ouvrir cette porte. Now that is what you see in Ezekiel chapter 44, verses 1 to 3. Maintenant, c'est ce que vous voyez dans Ézéchiel, le chapitre 44, versets 1 à 3. When the Lord God commanded that gate to be closed, quand le Seigneur Dieu a commandé que cette porte reste fermée. And so, when that gate is closed, what do you see? Alors, quand cette porte est fermée, qu'est-ce que vous voyez? That is the same gate that faces the Mount of Olives. C'est la même porte qui est en face du mont des Oliviers. But we all know, mais nous savons tous, that the temple of the Lord is inside Jerusalem, inside that gate. Que le temple du Seigneur est à l'intérieur de Jérusalem, à l'intérieur de cette porte. Inside Jerusalem and then you have the gate. À l'intérieur de Jérusalem et après vous avez la porte. Which gate is facing the Mount of Olives? Laquelle porte est en face du mont des Oliviers? And again, when one is entering Jerusalem, et encore, quand quelqu'un est entré dans Jérusalem, you find that if you enter through the eastern gate, vous trouvez ça que si vous entrez par la porte orientale, you go straight into the temple doors. Vous allez droit à la porte du temple. That is the only gate that takes you straight into the temple courts. C'est la seule porte qui va droit à la porte du temple. You go straight into the temple doors. Vous allez tout droit à la porte du temple. Which means the temple courts were also facing the eastern gate. Ce qui signifie que la porte du temple est aussi en face de la porte orientale. And yet the eastern gate is closed facing the Mount of Olives. Et maintenant, la porte orientale est fermée et en face du mont des Oliviers. Now look at this. Maintenant, regardez à ça. The Mount of Olives is a rock. Le mont des Oliviers est un rocher. That has a lot of olive trees growing on it. Mais il y a beaucoup d'oliviers qui croissent là-dessus. And yet we now know that olive, the olive trees, et maintenant, nous savons que les olives, les oliviers, is a symbol of the Holy Spirit. Ce sont le symbole du Saint-Esprit. No wonder every single moment, pas étonnant que chaque simple moment, When Jesus was walking the earth, quand Jésus était en train de marcher là, every moment he had the smallest time of prayer, et chaque fois qu'il avait le plus petit moment pour prier, he always retreated back to the Mount of Olives. Il allait chaque fois au Mont des Oliviers. And he had a quiet time with the Father. Et avait un temps tranquille avec le Père. Alléluia. Alléluia. So the Mount of Olives was very symbolic of a very intimate place. Alors le Mont des Oliviers était très symbolique de la très place intime where there would be visitation. Où il y aura une visitation. Where there is prayer. Où il y a de la prière. Where there is presence of the Lord. Où il y a la présence du Seigneur. Now look at this. Maintenant regardez à ça. When Jesus resurrected, quand Jésus est ressuscité, he still came with his disciples on the Mount of Olives. Il est encore venu avec ses disciples au Mont des Oliviers. And that is the point at which he spoke to them. Et c'est sur ce point il leur a parlé about going back to the upper room in Jerusalem. À propos de revenir dans la chambre haute à Jérusalem. And there would be a mighty visitation. Et ça va être une visitation puissante. And he said, "Don't attempt to leave Jerusalem." Et il a dit, n'essayez pas de quitter Jérusalem. Until the power has come from on high. Jusqu'à ce que le pouvoir soit venu depuis en haut. Empowered you. Et vous remplisse de pouvoir. So you may be my witnesses. Alors vous pouvez être mes témoins. Into Judea. En Judée. Into Samaria. En Samarie. And the ends of the world. Et par tout le monde. The empowerment of the Holy Spirit. Le fait d'être rempli du pouvoir du Saint-Esprit. The visitation of the Holy Spirit. La visitation du Saint-Esprit. He spoke it to them on the Mount of Olives. Il leur a parlé de ça au Mont des Oliviers. Number two. Numéro 2. That is the point at which heaven opened. Ça c'est le point par lequel le ciel s'est ouvert. And Jesus was raptured in the clouds. You see that? Et Jésus a été enlevé dans les nuées. The gate was opened right over that mountain. La porte était ouverte juste au-dessus de cette montagne. Now if you read your Bible, si vous lisez votre Bible, in Revelation, dans Apocalypse, chapter 19, verses 11 to 21, chapitre 19, versets 11 à 21, about the second coming of the Lord, à propos de la deuxième venue du Seigneur, that is the same point at which heaven will open. Ça, c'est le même point où le ciel s'ouvrira. And his feet will step on the Mount of Olives. Et ses pieds vont se poser sur le Mont des Oliviers. On the 31st, I remember very well, July. Le 31, je me souviens très bien, juillet. 2006, in the process of writing the Rapture magazine. 2006, dans le procédé d'écrire le magazine sur l'enlèvement. The Lord took me in the spirit. Le Seigneur m'a pris en esprit. And he took me at night on the Mount of Olives facing the eastern gate. Et il m'a pris dans la nuit au Mont des Oliviers en face de la porte orientale. And I saw the heaven open over the mountain. Et j'ai vu le ciel ouvert au-dessus de la montagne. And the eastern gate open. Et la porte orientale ouverte. And the glory of the Lord came as a cloud and filled it entered and filled the temple of the Lord. Et la gloire du Seigneur est venue comme un nuage, a rempli ceci, est entré et a rempli le temple du Seigneur. Now that is the same vision he showed Ezekiel, the prophet of the Lord. Et ça c'est la même vision qu'il a montré à Ézéchiel, le prophète du Seigneur. What does that tell you now? Qu'est-ce que ça vous dit maintenant? That the Mount of Olives remains on this side. Que le Mont des Oliviers est resté à cette place. With the eastern gate closed facing the Mount of Olives. Où la porte orientale est en face du Mont des Oliviers. And the temple of the Lord is inside in Jerusalem there. Et le temple du Seigneur est à l'intérieur de Jérusalem. Also closed and facing the closed gate of the Mount of Olives. Aussi fermé et en face de la porte fermée du Mont des Oliviers. What does that tell you about this conversation the Lord is having with the church? Qu'est-ce que ça vous dit à propos de cette conversation que le Seigneur est en train d'avoir avec l'Église? About the foolish virgins, the five foolish virgins who did not enter. À propos des vierges folles, les cinq vierges folles qui ne sont pas entrées. Listen to me very carefully here. Écoutez-moi très attentivement ici. When the Lord ordered the closure of the Eastern Gate. Quand le Seigneur a ordonné la fermeture de la porte orientale, which faces the Mount of Olives, qui est en face du mont des Oliviers, he was speaking a prophecy to the church. Il était en train de dire une prophétie à l'Église. Because we have seen in the book of Mark, chapter 11, parce que nous avons vu dans le livre de Marc, chapitre 11, that when it was time for a triumphal entry into Jerusalem, que quand il était temps pour une entrée triomphale à Jérusalem, Jerusalem rejected Jesus. Jérusalem a rejeté Jésus. Jerusalem rejected him. Jérusalem l'a rejeté. Alléluia. Alléluia. And so, when Jerusalem rejected him, et alors, quand Jérusalem l'a rejeté, the eastern gate was commanded closed. La porte orientale était fermée sur commandement. It's called beautiful, or the golden gate. Elle est appelée belle ou la porte d'or. Closed, facing the Mount of Olives. Fermée et en face du mont des Oliviers. From where the gates of heaven opened. La porte des cieux s'est ouverte. And Jesus was raptured. Et Jésus a été enlevé. From where the gates of heaven will open. D'où la porte des cieux va s'ouvrir. And the second coming will take place. Et la seconde venue va prendre place. Where the glory will visit the temple again. Où la gloire va visiter le temple encore. That was a message that the Lord God in heaven was speaking through the Holy Spirit. Ça, c'est le message que le Seigneur Dieu du ciel était en train de dire à travers le Saint-Esprit. Unto the latter church of Christ. À la dernière église de Christ. He said, there will be a time for your latter visitation. Il dit, il veut y avoir un temps pour une dernière visitation. The first rain has taken place during Pentecost. La première pluie a pris place pendant Pentecôte. But there will be a time for the latter rain. Mais il veut y avoir un temps pour la dernière pluie. That is prophesied in Joel chapter 2. Qui est prophétisé dans Joël chapitre 2. Verses 28 to 32. Les versets 28 à 32. Also in the book of Haggai chapter 2. Aussi dans le livre d'Ésaïe chapitre 2. Verses 9 on when he said. Versets 9 et suivants où il dit. The latter glory of this house will be greater than the former glory. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. And he said, it would be so important for you at that time. Et il a dit, ce sera tellement important pour vous dans ce temps. It will be so important and critical. Ça va être si important et critique. That you are able to recognize your hour of visitation. Que vous soyez capable de reconnaître l'heure de votre visitation. Alléluia. Alléluia. And it was eventually, and it still remains to date, et c'était finalement, et ça reste encore aujourd'hui, a spiritual monument, un monument spirituel, when the eastern gate is closed, quand la porte orientale est fermée, facing the Mount of Olives, en face du mont des Oliviers, it remains a prophecy and a spiritual monument unto the latter church of Christ. Il reste la prophétie, monument spirituel pour la dernière église de Christ. Unto this end time church. Jusqu'à cette église de la fin des temps. It remains a monument that says, listen. Il reste un monument qui dit, écoutez. If you fail to recognize your hour of visitation. Si vous manquez de reconnaître votre heure de visitation, when the Holy Spirit has visited you, quand le Saint-Esprit vous a visité, to prepare you for the rapture, pour vous préparer pour l'enlèvement, then the gates of heaven will be closed unto thee. Alors les portes du ciel vous seront fermées. You see that? Vous voyez ça? The gates of heaven will be closed unto you. Les portes des cieux vont être fermées sur vous. And that's why you see. C'est pourquoi vous voyez that the foolish virgins, que les vierges folles, when the Lord was speaking about them to the church today, quand le Seigneur était en train de parler à propos d'elles pour l'Église aujourd'hui, he meant that if you be like them, il pensait que si vous êtes comme elles, with minimal knowledge that I am the Lord, I am Christ, the Son of the living God, avec un minimum de connaissance que je suis le Seigneur, je suis le Fils du Dieu vivant, only through me can you inherit the new covenant. C'est seulement à travers moi que vous pouvez hériter la nouvelle alliance. And yet, you are not able to embrace. You remain in the level of theology. Vous n'êtes pas capable de comprendre. Vous restez dans le niveau de la théologie. The level of the teachers of the law. Le niveau de l'enseignement de la loi. The level of the Pharisees. Le niveau des pharisiens. The level of the Sadducees. Le niveau des sadducéens. The level of human knowledge. Le niveau de la connaissance humaine. The level of the teachings of schools of prophecies that you see in the world today. Le niveau des écoles de prophétie que vous voyez dans le monde aujourd'hui. If you remain at that level of reasoning using your mind, si vous restez dans ce niveau de raisonnement en utilisant, you will miss your moment of visitation. Vous allez manquer votre moment de visitation. And you will not grow in the spirit. Et vous ne croîtrez pas dans l'esprit. And you will not be able to see the rapture of the church. Et vous ne serez pas capable de voir l'enlèvement de l'Église. Isn't that absolutely amazing? Est-ce que ce n'est pas absolument étonnant? That the Lord even spoke to the church through this. Que le Seigneur même a parlé à l'Église à travers ceci. That's the same thing you see in the book of Matthew 23. C'est la même chose que vous voyez dans le livre de Matthieu 23. Verses 37-39. Versets 37 à 39. And this is what he says here, precious people. Et c'est ce qu'il dit ici, précieux peuple. He says, il dit, O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you. Ô Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. How often I've longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? But you were not willing. Et vous ne l'avez pas voulu. Look, your house is left to you desolate, for I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is he that comes in the name of the Lord. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. When the Lord was speaking the parable of the five foolish virgins, quand le Seigneur était en train de dire la parabole des cinq vierges folles and the five wise virgins, et des cinq vierges sages and the rapture of the church, et l'enlèvement de l'Église, the wedding of the Lamb of God, les noces de l'agneau de Dieu, it remained as a warning to the church. Ça reste comme un avertissement à l'Église. The final message that you get from there is he warned the church. Le message final que vous recevez de cela est il avertit l'Église de se préparer, parce que c'est important de se préparer dans le Saint-Esprit by receiving your hour of visitation, en recevant votre heure de visitation. So you may be able to be infilled. Alors vous pouvez être capable d'être rempli, the infilling of the Holy Spirit, d'être rempli du Saint-Esprit. So you may be able to avail yourself as a vessel. Alors vous allez être capable de vous mettre à disposition comme un récipient that is constantly infilled, qui est constamment rempli. So you may grow to full stature. Alors vous pouvez croître dans la pleine stature. Even reach the spotlessness of the bride of Christ. Et même arriver à l'épouse de Christ sans tache. So you may enter into the kingdom of God, the rapture. Alors, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu, l'enlèvement. But he said, mais il a dit, if you operate in minimum anointing of the schools of theology, si vous fonctionnez avec l'onction minimum des écoles de théologie, the minimum anointing of human wisdom, l'onction minimum de la sagesse humaine, of using human reasoning, en utilisant des raisonnements humains, to understand the word of God, pour comprendre la parole de Dieu, to incorporate the modern Christianity, pour incorporer le christianisme moderne, to incorporate the world into your Christian walk, pour incorporer le monde dans votre marche chrétienne, like the five foolish virgins did, comme les vierges folles l'ont fait. Now this is what will happen to you. Alors, c'est ce qui va vous arriver. You will remain desolate. Vous allez rester désolé. Desolation will hit you. La désolation va vous frapper. Like it hit the temple of the Lord in Jerusalem. Comme elle a frappé le temple du Seigneur à Jérusalem. Eastern gate is closed, facing the gates of heaven. La porte orientale est fermée en face de la porte du ciel. That means you will be like the foolish virgins. Ça signifie que vous serez comme les vierges folles. You will not enter the rapture. Vous n'entrerez pas dans l'enlèvement. And you will enter straight into the abomination of the desolation, which is the tribulation. Et vous entrez dans l'abomination de la désolation, qui est la tribulation. And that happens after the rapture. Et ça, ça arrive après l'enlèvement. So that is the message that the Lord is speaking to the church. Et voilà le message que le Seigneur est en train de donner à l'Église. That she may get into the preparing mode, pour qu'elle puisse être dans le côté de préparation, and prepare herself, et se préparer elle-même, because he will fulfill every letter of the word spoken here, parce qu'il va remplir chaque lettre dont la parole parle ici. Isn't that something mighty to the church? Est-ce que c'est pas quelque chose de puissant pour l'Église? But I want us to go to another level now. Mais je désire que nous allions à un autre niveau maintenant. Let us move to the higher level now. Laissons-nous aller à un niveau plus haut. Let us look at the book of Revelation, chapter 19, verse 9. Regardons le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 9. And Matthew, chapter 25. Et Matthieu, chapitre 25. What is the link between these two? Quelle est la relation entre ces deux? Alléluia. Alléluia. To begin with, pour commencer avec, I want us to read from Ephesians chapter 5. J'aimerais que nous lisions dans Éphésiens chapitre 5. We are now getting deeper and deeper. Nous allons maintenant plus profondément et plus profondément into this parable, dans cette parabole that Christ Jesus was speaking to the church, que Jésus-Christ était en train de dire à l'Église about the wedding of the Lamb of God. À propos des noces de l'agneau de Dieu. And we know that that is the most important day. Et nous savons que c'est le jour le plus important. In the calendar of all events in heaven. Dans le calendrier de tous les événements dans les cieux. And in the church. Et dans l'Église. That's why he kept emphasizing about this. C'est pourquoi il continue de mettre de l'importance à ces choses-là. No wonder, pas étonnant, in the book of Matthew, chapter 22, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, he still talks about this wedding here. Il est encore en train de parler de ce mariage ici, where he is emphasizing the need to prepare as you're wearing the gown. Où il met de l'importance au besoin de se préparer puisque vous revêtez la robe. Listen to this, somebody. Écoutez ça. There is revelation here. Il y a une révélation ici. Now, Ephesians chapter 5. Maintenant, Ephésiens chapitre 5. Let us read verses 30 to 32. Lisons les versets 30 à 32. Even as we link up Revelation 19 and the parable. Même que nous faisons une relation entre Apocalypse 19 et la parabole. Of the five foolish virgins. Des cinq vierges folles. Let us look at Ephesians, somebody. Regardons à Ephésiens. Chapter 5 of Ephesians, verses 30. Chapitre 5 de Ephésiens, verset 30 to 32. À 32. Look at what he says here. Regardez ce qu'il dit ici. He says, il dit, for we are members of his body, hallelujah, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Parce que nous sommes membres de son corps, alléluia, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. You see that, somebody? Vous voyez ça? Verse 32, he says, verset 32, il dit, this is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. C'est un mystère profond, mais je suis en train de parler à propos de Christ et de l'Église. Alléluia. Alléluia. He says a mystery, but by the way, get this clearly. Il dit que c'est un mystère, mais à propos, pour le faire clair, I'm not talking about the physical marriages you have here. Je ne suis pas en train de parler du mariage physique que nous avons ici. I am talking about Christ and the church. Je suis en train de parler de Christ et de l'Église. Which is the rapture. Ce qui est l'enlèvement. Listen to this, somebody. Écoutez ça. Verse 33 says, verset 33 dit, however, each one of you also must love your wife as he loves himself, and the wife must respect the husband. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. So why have I brought this in here? Alors, pourquoi est-ce que j'ai apporté ceci ici? At this new level that I'm bringing you in. À ce nouveau niveau où je vous apporte. Amen. Listen to me very carefully. It's very critical. Écoutez-moi très attentivement. C'est très important. The Lord here is drawing attention to one thing. Le Seigneur ici est en train de donner une attention à une chose. He is introducing the concept and the aspect. Il introduit le concept et l'aspect of separation. De la séparation. He is saying, il est en train de dire, one would separate from her mother and her father. L'un se séparera de son père et de sa mère to unite with the husband, pour s'unir avec l'époux. Just like the husband separates from his mother and father, tout juste comme le mari se sépare de sa mère et de son père, so the two become one flesh. Ainsi les deux deviennent une chair. Essentially, that's what the Lord implied in the book of Genesis. Essentiellement, c'est ce que le Seigneur explique dans le livre de Genèse. Genesis chapter 2, verse 22 to 23. Genèse chapitre 2, versets 22 et 23. He said, flesh of my flesh, bone of my bones. You see that? Il dit, chair de ma chair, os de mes os. Vous voyez ça? And now he has introduced in an aspect of separation. Et maintenant, il introduit un aspect de séparation. You see very clearly. Vous voyez très clairement. He says, if anyone wants to be the bride of Christ, si quiconque désire être l'épouse de Christ, then they must essentially and practically separate from the flesh. Alors ils doivent essentiellement et pratiquement se séparer de la chair. Alléluia. Alléluia. The flesh is the miniature. Is the small version of the world that lives in us. La flèche, c'est une miniature, une petite version du monde qui vit en nous. And to the greater magnitude, must separate from the general world. You see that, somebody? Et pour une plus grande ampleur, doit se séparer du monde en général. Vous voyez ça? So now he's saying, maintenant, il est en train de dire that this wedding of the Lamb of God, que ces noces de l'agneau de Dieu is essentially tied sont essentiellement liées to one single practice called separation. À une simple pratique appelée séparation. Alléluia. Alléluia.